Le ministre de la Santé publique et de la Population de la République du Congo en séjour en Corée a offert un présent au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le présent a été transmis le 27 à Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, par la femme ministre Jacqueline Lydia Mikolo, qui conduit la délégation gouvernementale congolaise.